Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Miss Van der Rohe, pilier de l'architecture moderne au 20e siècle. Alors, c'était vraiment très important d'être dans le monde présent et pas et c'était comme ça que j'ai pu convaincre mon père. Parce que je lui ai dit, il faut pas. Pourquoi est-ce que vous voulez que vous copiez les autres gens? Il faut que les gens vous copient. Et c'était ça qui, vraiment, il a pu comprendre. L'architecte montréalaise Phyllis Lambert qui raconte comment elle a réussi à convaincre son père, Samuel Bronfman, de confier à Miss Van der Rohe la conception de l'édifice Seagram à New York dans les années 50. Cet édifice sera l'une des réalisations importantes de Miss Van der Rohe aux États-Unis. Autodidacte, membre de l'école du Bauhaus qu'il dirigera aussi avant que les nazis ne la ferment, Miss Van der Rohe est l'un des architectes les plus importants du 20e siècle. Il incarne l'une des quelques grandes visions qui sont défendues par les maîtres de l'architecture moderne de son temps. C'était une personne profondément humaine. Par exemple, quand vous regardez ses dessins sont toujours du point de vue d'une personne qui marche à côté du bâtiment. Il projette ses perspectives de cette manière. Et les photographies, il voulait toujours que ce soit pris du point de vue de l'homme ou la femme dans la rue. Il était vraiment un architecte phénoménologique, je crois. C'était le phénomène du corps qui bouge autour d'un bâtiment. Et quand la personne bouge autour d'un bâtiment, le bâtiment change, le bâtiment prend des aspects différents. D'habitude, ces bâtiments étaient un complexe de bâtiments. Alors, il y a un bâtiment en rapport avec l'autre, et puis vous marchez toujours sur cet podium qui était un peu surélevé, parce que vous étiez toujours en partie dans la ville, mais un peu à part aussi. C'était dans la ville, ça ouvrait l'espace dans la ville, mais toujours un tout petit peu à part. Et alors, il s'est donné une espèce de sentiment de paix énorme. À nouveau, l'architecte montréalaise Phyllis Lambert à l'émission Aux Arts, etc. en octobre 2001. Pour nous présenter la vie et l'œuvre de Miss Van der Rohe, je reçois l'historien en architecture François Rimiard. François Rimiard, bonjour. Bonjour. C'est vraiment Miss Van der Rohe avec Le Corbusier, avec Frank Lloyd Wright, parmi les quelques très grandes figures de l'architecture moderne du 20e siècle. Quelle place il occupe, lui, Miss Van der Rohe, dans tout ça? Bon, définitivement, c'est l'une des 5 ou 6 grandes figures de l'architecture du 20e siècle. C'est l'un des créateurs de l'architecture moderne, mais à la différence des créateurs mentionnés comme Le Corbusier et Frank Lloyd Wright, il voudra, lui, établir un système de construction universel, ce qu'on va appeler le style international. Oui. Alors, Wright fait des œuvres très personnel, hein, qu'on pense à la fameuse maison là, sur la chute d'eau, Falling Water, ou Johnson Wax, ou ça c'est le Guggenheim à New York. Oui. Ce sont des œuvres adaptées à leur site et qui se veulent presque des sculptures. C'est comme Picasso, il y a sa période bleue, sa période rose, alors c'est très rigide, ensuite ça devient très rond. Et puis... Alors que Miss Van der Rohe, lui, c'est quelqu'un qui veut créer un système de construction, presque un jeu de mécano qui peut être reproduit partout à travers le monde. L'architecture de la même manière. La rationalité, au fond. C'est de la rationalité, c'est un système... Moi, chez Safdie, il faisait un peu partie de ce système-là. À l'origine, il a changé, mais Habitat 67, c'est ça. C'est des cubes de béton et on peut en construire en Somalie, Madagascar, partout. C'était l'idée. Bon, c'est demeuré une œuvre unique, mais c'était l'idée de parler. Le style international, c'est ça. C'est que on a ces structures d'acier et de verre et de béton qu'on peut reproduire à l'infini. Ce qu'il fera d'ailleurs, Miss Van der Rohe, parce qu'il construira énormément de gratte-ciel. On y reviendra plus tard, mais entre autres à Chicago, quoi, une trentaine, je pense. Oui, une trentaine de bâtiments. Ça va être sa patrie, sa nouvelle patrie, ouais, après son départ de l'Allemagne. Et le premier bâtiment qu'il construit, qui n'est pas sur le campus universitaire où il travaillait, mais qui est sur Lakeshore Drive, est un 2 tours d'appartements qui vont devenir sa signature. Oui. Ça, c'est un projet qui est entrepris en 1948. Et puis, pendant les 20 années suivantes, il va construire à pratiquement la même chose, mm-hmm. Que ce soit ici ou ailleurs. Et ce qui est exceptionnel, bon, évidemment, c'est son architecture, c'est l'influence qu'elle aura, mais c'est aussi qu'il fera carrière, une très, très longue carrière, 60 ans de carrière, sur deux continents, en Europe, en Amérique du Nord. Ce qui est encore plus exceptionnel, François Rimière, c'est que cet architecte, qui est vraiment, encore une fois, l'une des grandes signatures de l'architecture moderne du 20e siècle, est un autodidacte. Il n'a pas de diplôme ni en génie, ni en architecture. Exactement. C'est une chose impossible à faire de nos jours. Aujourd'hui, il faudrait être bardé de diplômes, être membre de telle ou telle association, corporation, pour pouvoir pratiquer l'architecture. Mais à cette époque, c'était pas encore une chose obligatoire. On voit plusieurs cas comme ça d'architectes au début du 20e siècle, 19e, qui sont parfaitement autodidacte, mais parfaitement compétent. Oui. Lui, dans son cas, c'est le fils d'un tailleur de pierre. Oui. Hein? Il naît à Aix-la-Chapelle en 1886 et il est voué à la taille de pierre tombale pour les cimetières. C'est ce qu'il va faire dans l'entreprise familiale pendant un certain temps. Il en a ras-le-bol, alors il quitte pour Berlin. Et là, à Berlin, il devient un apprenti dans un bureau d'architecte, le bureau de Bruno Paul, et où il sert le café à toute l'équipe. Mais c'est un génie. Il observe. Il observe tout, parce qu'il va sur les chantiers de construction de cet architecte, et il voit comment les choses se construisent, et ça fonctionne dans sa tête. Et là, il va rencontrer cette dame qui est la femme d'un couple et tout ça. Elle entre dans le bureau un jour et elle dit, lui, il est là, il grave des trucs. Ça. Et elle dit, vous connaîtriez pas quelqu'un qui pourrait me construire une maison? Ben oui, il dit, moi? C'est ça. Sans demander à son patron, ouais. Il va être mis à la porte de deux, trois bureaux d'architectes comme ça, parce qu'il il dit, oui, je suis tout à fait capable de le faire. Et il va le faire. Ça commence comme ça. Ouais. Alors, donc, il n'y a pas de formation autre que celle-là. Comment décrire, François Rimière, la vision et le style de Miss Van der Rohe? Bon, je pense que Miss Van der Rohe est issue d'un milieu modeste. Il a toujours été un peu complexé dans sa vie pour vouloir accomplir des choses. C'est un homme de peu de mots et il va vouloir épurer. Mm-hmm. Épurer l'architecture parce que lorsqu'il naît, on est dans le foisonnement de l'éclectisme et tout ça. Puis ensuite, il y a les gens qui veulent faire de l'art nouveau. Il y a plusieurs façons de faire de l'art nouveau. Mais on est toujours dans la décoration et on recouvre la fioriture. Ouais. Qu'elle soit nouvelle ou ancienne, qu'elle soit inspirée de l'Antiquité ou qu'elle soit totalement nouvelle, c'est encore une enveloppe que l'on veut créer pour recouvrir un bâtiment, pour le décorer. Alors lui est contre ça. Son architecture, c'est essentiellement la recherche de la vérité. Il y a des nouveaux matériaux en plus. On est à une époque où son créer toutes sortes de... Les grandes plaques de verre, c'était impossible de produire ces immenses plaques de verre pour recouvrir presque une pièce au complet, fenêtre d'une pièce en verre, et l'acier, le béton, et tout. Et lui, il dit, on va utiliser ça, et ça va être ça, le bâtiment. Il n'y aura pas de décoration, on n'aura pas besoin d'ajouter quelque chose par-dessus pour exprimer l'architecture de l'édifice. Ce qui est fascinant, c'est que la structure, donc l'acier, c'est des matières très lourdes. Même le verre, au fond, il y a une transparence, bien sûr, mais il réussit à alléger ce qui est très lourd. Il n'y a pas de poutres, souvent, dans ces... Ça tient tout seul, et c'est pourtant massif, mais transparent. C'est ça, c'est transparent, ça donne une impression de légèreté. Ouais. Et si on prenait une seule des plaques de verre et qu'on essayait de la soulever, une personne ou deux, on n'y arriverait même pas. C'est lourd et à la fois léger. Ouais. Il y a une œuvre, en tout cas, moi, qui est un musée maintenant, un grand musée de Berlin, la Neue Galerie, qui est, à mon sens, magnifique, mais qui est tout à fait dans le style et l'esprit, pour moi, de Miss Van der Rohe. On est dans un aquarium. Ce lien entre la personne qui est dans l'édifice et l'extérieur, ce bâtiment, c'est l'exemple de ça, en fait. C'est l'exemple de ça. Et c'est... je dirais que bon, son pavillon de Barcelone a été le aussi. Premier exemple. Hein. Ouais. C'est ça. Si on retrace un peu là, son cheminement, c'est-à-dire que les premières maisons qu'il va construire vont être très traditionnelles. Elles auraient sans doute plu à Adolf Hitler, parce que là, on est en 1908, 1909, ouais. 1910, et c'est une espèce de néoclassicisme épuré. Il renie ça à un moment donné, et il va construire à Stuttgart un premier ensemble d'immeubles. Il est responsable d'un projet, même en 1923-24. Ça reste au stade de maquette. Ouais. Des choses qui sont très, très modernes, très dépouillées. Il n'y a aucun ornement. Et c'est ça. Puis ensuite, on arrive à sa période américaine à Chicago avec ses tours, ouais. ses tours de verre et d'acier ouais. qui vont devenir sa signature. Exact. Mais avant les tours, il y a ce pavillon de Barcelone, le pavillon de l'Allemagne à l'exposition universelle de Barcelone. Il ressemble un peu d'ailleurs à ce qu'on vient d'évoquer à Berlin, la Neue Galerie. C'est le même esprit, c'est ces aquariums. Vous êtes vraiment en contact direct avec l'environnement autour parce que c'est fenestré, mais vraiment complètement. Mais ce qui le lance internationalement, c'est vraiment ce pavillon de l'Allemagne en 29 à l'Exposition universelle de Barcelone. On écoute Pierre Thibault, l'architecte québécois. Vous allez voir, c'est intéressant, qui raconte à Michel Lacombe en juillet 2015 comment il découvre, d'abord dans des salles de cours, et puis comment il découvre en vrai ce chef-d'œuvre de l'architecture moderne. Il y a des architectes comme ça qui nous touchent. Et je me rappelle, j'avais un professeur belge qui était formidable et il nous présentait à l'époque, c'était des vieilles diapositives, des cours d'histoire de l'architecture. Mmh. Puis je me rappelle, une des premières diapositives, c'était le pavillon de Barcelone qu'avait dessiné Miss Van der Rohe à la fin des années 20. Oui. Et j'avais vu cette photo-là, puis je me dis, pourquoi cet homme-là est un grand architecte? Ça oui. avait l'air d'une simplicité... Très simple. Désolée. Oui. Et quelques années plus tard, ils ont reconstruit, parce que le bâtiment, le pavillon à Barcelone avait été démoli après l'exposition, a été reconstruit. Et je suis rentré là le matin. Ça venait d'être dans le pavillon. Et c'est l'agent de sécurité qui m'a sorti en fin de journée. Je n'avais pas mangé. Je n'avais rien fait. J'avais passé la journée à regarder ça. Je me dis, mais deux murs avec un toit, mais c'est formidable. C'est ça qu'on appelle un contemplatif, hein? J'ai trouvé ça extraordinaire. En quoi ce pavillon de Barcelone, François Rémillard, est si intéressant et pourquoi il est si important dans le parcours de Miss Van der Rohe? Ben, justement, c'est la première fois qu'il peut réaliser tous ses rêves. Ouais. Parce qu'il a fait des dessins, des maquettes qui ressemblent au pavillon de Barcelone dès 1922, 1923, mais ça reste au stade, il n'y a pas de client qui veut ce genre de choses chez lui. Ils se disent, bon, ils veulent quelque chose d'un peu plus conventionnel. Et là, en 1929, il a l'occasion, dès en fait 1928 que le dessin est conçu, de réaliser ses rêves. Alors, et puis comme c'est un pavillon, ben, ça n'engage pas trop, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va vraiment habiter là. C'est utilisé de manière temporaire pendant l'exposition. C'est un peu comme l'Expo 67 oui. ici à Montréal. Et donc, ce pavillon, c'est du verre. Ce sont des pans entrecoupés avec... Il y a quand même des perspectives, mais pas les perspectives classiques de l'École des Beaux-Arts. Il y a quelque chose d'unique là-dedans. Le marbre aussi. Le marbre. Et ça, c'est une autre chose chez Miss Van der Rohe. Il va refuser... l'aspect socialisant communiste de l'emploi strict de matériaux usinés, il va utiliser des matériaux de luxe. Ouais. Et il va dessiner du mobilier. Ouais. Les meubles de ce pavillon, ça va devenir le fameux fauteuil Barcelone. Qui est un classique, que tout le monde connaisse sans peut-être même le savoir, mais vous le verriez, que vous disiez, je connais ça. Exactement. Encore aujourd'hui, c'est un classique. Même chose pour les chaises Brno, c'est la ville où ça a été créé par lui. Il a créé du mobilier, il y a plein de trucs, mais il n'y a pas eu cette... Je dirais, certains architectes ont eu une certaine pudeur. Bon, Le Corbusier est beaucoup dans le béton brut, oui. Alors que lui n'a pas hésité à utiliser des matériaux comme le marbre, les bois rares. Puis par rapport à Le Corbusier, évidemment, Le Corbusier, c'est très compact. Là, on est, encore une fois, dans... Oui, c'est des structures lourdes, mais on est dans la transparence avec Miss Van der Rohe, c'est le jour et la nuit. Un petit mot quand même sur sa période allemande. On l'a dit, c'est un autodidacte, il apprend sur le tas, mais il va se retrouver associé au mouvement du Bauhaus en Allemagne. Quel rôle il va jouer dans ce mouvement-là? Bon, il arrive très tard dans le Bauhaus. Et pour faire un lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que bon, le Bauhaus a été fondé par Walter Gropius, qui est à la fois un ami et un compétiteur dans sa carrière. Oui. Mais il y a pendant 2 ans, après que Gropius quitte, il y a un extrémiste... justement, qui veut rien savoir du luxe et tout ça, tout doit être... qui est là, et ça ne fait pas l'affaire. Alors, lui va reprendre la direction du Bauhaus en 1930. Le Bauhaus, à ce moment-là, est installé à Dessau, en Allemagne, et le Parti national-socialiste, qu'on va connaître plus tard sous le nom de nazi, prend le pouvoir dans le secteur. Parce que on pense souvent que les nazis sont arrivés en 1933, là, comme par magie, mais ça avait déjà commencé dans les Landers, dans les différents comtés de l'Allemagne. Et la région de Dessau tombe sous l'emprise des nazis en 1932 et vont forcer la fermeture de l'école en 1932. À Dessau. Alors, on va transférer l'école dans une vieille usine à Berlin. Ça va durer quelques mois. Et en 1933, elle est fermée définitivement. Alors, l'essentiel de la contribution de Miss Van der Rohe va être de contrer l'aspect socialiste, mais en même temps de contrer aussi les national-socialistes. Donc, il va chaque jour aller au parti nazi pour essayer de ravoir son école. Et le jour où on va lui dire oui, il va faire un gros party avec tous les membres et avec le champagne, et il va dire on ferme définitivement. Parce qu'il voit qu'il ne pourra plus être indépendant. Et en fait, ça va conduire à ce choix. Il y aura une longue traversée du désert pour lui après la fermeture de cette école du Bauhaus. Et il s'en va, en 1938, aux États-Unis. Et là, c'est vraiment aux États-Unis où sa carrière explose, François Rémiard. Oui, c'est ça. Il hésite à quitter l'Allemagne parce qu'il se sent patriote, mais il voit que sa carrière est terminée là-bas parce qu'il n'est pas dans les... C'est pas le goût d'Hitler. Alors, donc, il n'a plus de contrat, il n'a plus rien. Alors là, il quitte en 1938 pour les États-Unis. On lui avait proposé d'abord un poste à Harvard qu'on va donner à son compétiteur Walter Gropius. Alors, il s'orientait, lui, plus vers la côte Est. Mais là, c'est à Chicago qu'on va le recruter et il va devenir le directeur du plan de l'Illinois Institute of Technology. Et il va rester là pendant quelques décennies et il va s'installer à Chicago. Il crée plus d'une trentaine de bâtiments là-bas. Ouais. Et il va créer des bâtiments au Canada aussi. Oui, effectivement. Puis on y vient, en fait, parce que c'est peut-être par Félix Lambert qu'on écoutait au début de l'émission qu'il viendra au Canada. Mais la rencontre, au fond, avec Félix Lambert, puis c'est une belle histoire, racontez-nous-la. C'est important pour Miss Van der Rohe. C'est le projet de la fameuse Tour Seagram à Manhattan. Les Bronfman, le père Bronfman, acceptent finalement de lui confier ce projet-là. Racontez-nous un peu comment ça se fait, puis quelle importance à cette tour pour lui et pour New York. Et pour New York aussi, effectivement. Phyllis Lambert est à cette époque à Paris. Elle cherche une vocation d'artiste et tout, et puis elle reçoit des courriers, des plans de son père qui veut faire construire un nouveau gratte-ciel sur Park Avenue. Et c'est un petit peu de l'art déco édulcoré. On est quand même en 1954. Et donc, elle veut révolutionner tout ça. Elle écrit une lettre... à son père ponctué de « non, non, non ». Quand elle voit le premier projet, il n'y en est pas question. Ouais. Et là, elle débarque à Manhattan et dit « on va faire quelque chose de beaucoup mieux que ça ». Et c'est là qu'elle regroupe Miss Van der Rohe avec Philip Johnson et qu'ils vont concevoir le fameux Seagram Building de Park Avenue, qui est un exemple dans le monde de l'architecture moderne. C'est vraiment le précurseur d'une série de gratte-ciels. Certains vont être formidables comme le Segram, d'autres moins, mais bon. Donc, c'est un point de départ d'une nouvelle architecture. Oui. Westmount Square, ça, c'est l'édifice le plus important que fera Miss Van Der Rohe à Montréal. C'est l'affiliation, en fait, cette collaboration avec Félix Lambert qui va l'amener ici, à Montréal, mais ailleurs au Canada aussi. C'est des gratte-ciels plus petits, style international. Ben, je dirais qu'il y a un rapport plus étroit avec ce qu'il avait fait à Chicago, oui. Déjà à la fin des années 40, sur Lakeshore Drive. Et c'est le seul complexe multifonctionnel qu'il va réaliser, avec commerce, bureaux et habitation à l'intérieur d'un même ensemble. Et je dirais que c'est une grande réalisation. Bon, c'est un chef-d'œuvre. Je pense qu'il était arrivé au point là où il réalisait sa plus grande œuvre. Pourquoi? Parce que tout est combiné. L'équilibre des masses, les volumes, les matériaux, et tout est parfait dans ce complexe. Et il avait fait aussi le TD Center à Toronto quelques années plus tôt, qui est son plus important chantier en carrière. On parle ici de deux tours au départ avec un basilaire auquel vont s'ajouter deux autres tours de 56 étages, 60 étages. C'est immense. Il y a le projet sur l'île des Sœurs. Aussi. Là, ça, l'île des Sœurs, qui s'appelait l'île Saint-Paul, qui appartenait à la congrégation de Notre-Dame, qui a vendu les terrains à Metropolitan Structures de Chicago. Alors, on voit le lien. Miss Van Der Rohe est à Chicago et tout. Et on va construire là des habitations, un complexe d'habitations. Il reste quatre bâtiments de Miss Van Der Rohe sur l'île des Sœurs, trois tours d'habitation et une station-service, une ancienne station-service qui a été reconvertie en centre communautaire, mais qui rappelle un peu ce pavillon de Barcelone qu'il avait fait en 1929. Au final, il reste quelques secondes, François Rémillard, mais qu'est-ce qu'il nous laisse, qu'est-ce qu'on retient, quel bilan on peut faire de son architecture à Miss Van Der Rohe? Bon, pour certains, c'est un dieu de l'architecture. C'est vraiment le top du top. Mais pour d'autres, c'est plus mitigé. Il reste que si on longe une rue avec des gratte-ciels de Miss Van Der Rohe, on peut trouver ça froid, on peut trouver ça venteux. Il y a eu des adaptations à faire dans le cas du TD Center à Toronto, ajouter des pelouses, des sculptures. C'est de l'architecture moderne. C'est une architecture expérimentale. Alors je ne dis pas que tout est parfait dans l'œuvre de Miss. Miss a tenter quelque chose de nouveau. Ouais. Il a quand même réussi à 90%. Il reste 10% où le lien avec le piéton, selon moi, n'est pas parfait. Et ces fameux podiums, vous référez au premier extrait qu'on entendait avec Félix Lambert, le deuxième en fait, mais et ces fameux podiums, ben, à Toronto, on a dû leur donner un peu de vie avec des pelouses. Il y a même des sculptures de Joe Fafard, ces vaches en bronze qui sont formidables, mais qui donnent un peu de vie à ce qui peut ne pas en avoir au départ, c'est vrai. Merci infiniment, en tout cas, de votre participation à l'émission. François Rémillard. Grand plaisir. À la prochaine. François Rémillard, qui est historien de l'architecture. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.